Zeggen we nu de Silo Hind en Brezonnik? C'est l'heure de retrouver Hind en Brezonnik. C'est le moment de retrouver Hind en Brezonnik, la petite leçon de breton, Hind en Brezonnik, le chemin du breton sur RKB, toujours avec Henri Le Naou qui nous accompagne sur ce chemin. Kentel, Eri, Perhan? Perhan Nantegatriugen, ça veut dire 479. 479 oui. Émissions pour découvrir avec nous le breton. Alors on commence toujours par Gerriou Arvué, Eri. Quel est le mot qu'on va découvrir aujourd'hui? Alors aujourd'hui c'est un mot un petit peu particulier. Parce qu'il est un petit peu polyvalent, il peut être masculin, féminin, employé au singulier ou au pluriel. Donc c'est le mot study. Study, donc, qui veut dire étude. Étude au singulier ou au pluriel. Bon, il y a un pluriel qui est studio, mais en fait, le pluriel n'est pas forcément employé puisque study suffit. Hein. Voilà. Alors c'est le sens général, donc c'est l'étude. Étude au singulier, comme je l'ai dit, ou étude au pluriel. Bon, c'est un emprunt à l'ancien français. En ancien français, c'était estude. Ah oui, qui donnait, on a perdu le E. On a perdu le S. Hein. Voilà, estude, estude on a, en français, on a perdu le S. Mais en breton, on l'a gardé. Donc, c'est un emprunt à l'ancien français estude, qui est lui-même issu du latin studium. Alors c'est un mot qui est une racine aussi, qui est à l'origine d'une famille de mots. Je vais donner quelques exemples à la fois de mots dérivés et d'emprunts, et d'utilisation de ce mot. Alors par exemple, on pense tout de suite à Studi Adudi. Oui, l'association de Plaisidi. Voilà, qui gère le centre culturel de Plaisidi. Ça s'appelait Trédé Rawarwaz au départ. Ce qui veut dire entre hier et aujourd'hui. Ah, c'est joli ça. Oui, Trédé Rawarwaz. Mais c'était un petit peu difficile à prononcer pour les nombres tenants. Donc, c'est passé à Studi Adudi. Loisirs et études et loisirs. Études et loisirs, voilà. Alors, par exemple, on entend souvent dans la chanson Cloire Guéméné aussi, dont on a souvent parlé, hein. Pénéorie, elle de studi, miéwara, nente, hoari. Celle-là, quand les autres allaient à l'étude, moi j'allais sur la route pour jouer, quoi. C'était un cloire, donc un étudiant qui n'était pas très sérieux et donc qui a fini par être rappelé chez ses parents puisqu'il ne faisait pas grand chose à l'école. En l'occurrence, c'était au séminaire, bien sûr, à cette époque-là, quoi. Alors, justement, puisqu'on parle de séminaire, mon noir studi belle, hein, c'est aller sur les études pour. Voilà. Oui, on dit ça en bretonnisme, on dit aller sur les études. Belleg, c'est le moine, Eri. Belleg, non, c'est le prêtre. Le prêtre. Le moine, c'est comment? Mandar. Mandar. Mandar. Voilà. Alors, noir studi belle, hein, mon noir studi belle, c'est aller sur se préparer à devenir prêtre, donc c'est aller au séminaire. À l'époque, autrefois, on entend souvent ça dans les chansons, puisque c'était pratiquement la seule façon de faire des études. Hein. Jusqu'au niveau du baccalauréat, en tout cas. Hein. On entend parfois aussi « monde de war study noteur hein. ». Ah. C'était bon pour les notaires, hein, bien sûr. C'était un peu les notables de l'époque. Hein. Voilà. Alors, cette racine « study » se retrouve dans beaucoup de langues hein, européennes. C'est ainsi que, par exemple, Zamenhof, qui est un Polonais qui a créé l'espéranto, a pris ce mot comme verbe. Hein. Alors, en espéranto, tous les verbes finissent par « i », donc « study », »,« étudier ». Et à partir de là, hein, bien sûr, une famille de mots concernant les études. En anglais, c'est pareil, hein, « study ». Je ne me hasarde pas trop à prononcer en anglais, parce que mon accent est assez déplorable. Tout le monde va comprendre quand même. Bon, voilà. Alors, en breton, il y a un verbe qui est « studiant » ou « studial », qui veut dire « étudier ». D'ailleurs, souvent, on entend que « study hein, », c'est pareil, hein, puisque c'est très accentué, donc la terminaison est un peu escamotée. Hein. « Studiant », »,« studial », mais le participe passé, dans tous les cas, c'est « studied hein. ». Étudier un domaine, par exemple, hein, avoir étudié un domaine, « studied müssen drasé hein. ». Voilà, « studied müssen osnek hein, »,« studied müssen ». »« Studied müssen osnek », c'est « j'ai appris l'anglais », c'est ça ? J'ai appris l'anglais, oui. J'ai étudié l'anglais, quoi. On a essayé de l'apprendre, en tout cas. Voilà. Et c'est aussi étudier un problème. Hein. Studie Mösendrase, hein, j'ai étudié cette chose-là. Alors, il y a des mots dérivés, par exemple, studiaden, hein, qui est un mot féminin, comme la plupart des mots qui se terminent par aden, hein. C'est une étude, hein, une étude sur un sujet donné. Or, studiaden, warundanver. Ça peut être une thèse aussi, par exemple. Oui. Hein. Un mémoire. Un mémoire, voilà. Il y a aussi studien, hein, qui veut dire une dissertation, qui est un mot féminin aussi. Or, studien, une dissertation. Alors, bien sûr, l'étudiant, hein, studier, étudiant, alors avec un pluriel régulier qui donne studerien, hein. Et il y a studiante aussi, hein, qui est là très proche de du mot qui est utilisé en anglais, hein. Student et étudiant. Alors, le pluriel, dans ce cas-là, est un studiented. Voilà. Mondwars. Donc, pour dire faire des études, alors, en français, on poursuit des études. Ouais. En breton... Voire on est poursuivi par. Oui. C'est certain. On poursuit des études. Hein, il y a des tas de farces là-dessus. En breton, c'est mondwars studie. Hein, on va sur les études. Ou alors, quand on est en train de les faire, boudoir studie. Hein. Être sur les études. On est sur les études. Voilà. Bon, on a fait un petit tour sur le mot studie, hein, je pense. Il y aurait encore des choses à dire, mais bon. Bon, on passe donc à la seconde rubrique, Brezhoneck, temps à temps. Et aujourd'hui, Henri, on parle du cidre, il me semble. On parlera du cidre, oui, c'est l'époque. Cette saison. Alors, on part à faire un petit tour à Zantolec, et là, bah, y a de l'animation, parce que Yuan est en train de préparer pour le cidre. Voilà, Yuan est en train de faire le cidre, hein, comme d'habitude, hein, donc on va le voir chaque année. Donc, Yuan, c'est Yuan Danteg, hein, qui habite à Kerizel, hein, et qui est marchand de cidre de son état, hein, qui est marchand artisanal, quoi. Ouais. Et Chanik va à sa rencontre. Voilà. Salut, Yuan, pénonce mon compte. Matré, Chanik, matré. Kroger de Borchistre. Ya, Bouedir. Pemzek Tesso, ou un croc de Zeria, là. Quelle de Bernard, là, oisé? Là, Bourzo. Avalo de Zantolek, in tout? Ya, de Zantolek, peu de Splouderien. Quand piou vezeret en la Valao? Oh, quand ne famille n'est que résies, peut dire, un mécanique zer en d'un vu en de Zena, là. Quand pessa Avalo vegré l'archiste? Quand a l'eau douce, a l'eau rare, a gralo trinc, redeca de Hempwis, et vidro bergismat. Mais. Plaire-moi, Pressour. Ah, bah ça va, Durazé. De te faire, Chanik. Et Chanik, bien sûr, elle va aller voir, puisqu'elle elle est curieuse. On aura ça la prochaine fois. Voilà.

Et c'est le moment de Petra Zonévé-Arvro, c'est la Gazette. Eri, Petra Zonévé-Arvro. Ben, quel se drôle et vel juste boire vejdi aux hommes. Krogon bevelkis a custum grande la bourdouar agar vu et war armez. Eru, on vraiment, ben, kreisen diska ramzor. Gualboinde, vraiment, peut réussir de zer yer maïs. Eru et un roule se vi, zer y ve, un aval ou d'aubergiste. Hervé Cleve de Zobrément, Calz Avalo de Zéry, Gansé Vosgis de Gismat, Blanc-Maroise. Bandis Caram, ce roman est Houls et Vida Oberfoire, Youtiezeg. Waller Hini Bulat, Zové Bamis Gwengolo, Eve Hini Plintel, de Luntient en remise Héré, Agou des Eve et voir Djerien, Andriet Zaden de Zbis Héré. A Blanc-Maroise, au Bit Calz de Dud, bah voir Djerien. À bavoir plaintel, à bavu la doit bête calz y vé. À l'ennemeuse, war nouest éclair, un disor ou concours, vide de neubelienne. À gouelemeuse, zim de sguet plija d'urdin, oua, au neubama de hanoï ou brezonnec, et vide hiezec, vide de neubelienne, pélarin man, hein, barré zo bête prime de ze, me sguel oua fesnons, fentus, fouen, bon, à zézomate. Dans mon temps, vraiment, war dachen n'économies. Mondera war rogue la bourrio war lignen hintouarn zo haun de LGV tre Paris à Brest. Hag bon prestig vo moyen de la kat traio tis bras war war linen ze. Med war même stro a zezo fentus war ve krouet linen ou autocario. Ki ribout in ma peswant. Au mot d'Yvon Nord de Véagi, mais Mahamator. D'asquer, zo bremen au linen, très Paris à Razon, et vi monde, avait seis couchements ou des maisons, ve gretzi. Bon, Peter Rantor ve lac, don de Razon beta Paris, ira, divej mur vigan un train, mais Mahamatori. Ag, bon, d'une de Zibab, très monde vounis à Péotier, à mon, vonus, dit, à mon tranquille à Péo Neptor. Bon, gouelle de vos pessamots, de vos cons, hein, très un train à gagner l'autocario. Dans mon temps, vraiment, Wardash et leur politique RS. Tosta rambe, vraiment, de leur vote à dégoût, vos vidor cusul Laurent Vro, à vos bamis tierzu. À milardars au-dessus de Wararank, douze glisten benek et vos. Warantuclei, déjà, eux ont trop à glister nous. Videur PS, Jean-Yves Le Drian, Vauwar Rink, Abba Penelisten. Amaya Hermau, Gantan, Vauretan Dilese, Ligarg, Ministre Brezel. On me veut, y'a, Gwajel, Vigilard, Ministre Brezel. Azizo Tostor de Mjong, Vin Ministre Andiven. Ag, bon, ben, Gwela Odvo, Pesamo de Vaucon, Gant Jean-Yves Le Drian, Machon Mobapar, Ispétan Mantei, ouais. Ouais, Guise de Vro. Ben Tuguen, mon marque le fur, ba peine un trou, mais biroir en deux évite zéri un idée de ba un drôdan. Bon, ag Christian Troideg zo au classque monte gambal, hein, ag tapo un temps, moi j'ai un dose. Bon, à Endel zo calze réel roise. Mais de ben un prestige vos clèves comme de ce tout un trouse, ag Gwelletvo, ma, tabutu ouzo, hendel, pe gontin des politikeres, gant hat tro an ur vro. Pu dur, zo gred o lezen, lezen notre, hein, evid, stagan, strolad ou parejou, gant, ne gant edile, hag, bon, prestig vo gwaret pe sa mod vo kon. Ba, da skwer, ba vro amme, ur prefet, prefet nodo un arvor, ne jonge de Vigébémat, Stagan, Calagargoat de CCKB. Mais de, tu l'es, d'Ileni dit, Calagargoat, de Gaf et Gouel, Armand, de Bropoer, de Grand Carésme, peu soin. C'est-tu, heureuse de vous, d'un Guaranda Fence. Wardash ne lisent vraiment. Ne vaut que zin de, Carter, Jésus, Guasket, hein, Carter Europa, Vidor, Jésus, Guasket, ma peu soin. Plus dur pour de président de Camber et Gauze, un de Zlard, ou un de Zé, un même de Nukokomze de Zé, un autre ou l'archer, Pélarine Mode. au président de Cambrégos de la Cambrégos et Sénat. Alors Sénat, il y a. Ah, il y a. Bah, il y a Sénat et Cambrégos. Il y a. Maintenant que cause tout, Mahadmed Bopet, au spirit Bopet, qui est dermat, au cause mat, bon. Ag, bon, notre ou l'archer, vel tout de Jacobine, de vel juste, un zon, et un abdezé. Bon, calze dut zo dipit ganze, mais de minon que dipit, de pudior de wank que change al, j'ai bégré de mande bédouar, un dachenze. Zé wabé promette de grande fanche aux lampes, et wa au cambali, 2012, mais vel qu'ils accustume, Jacobine gwen ag Jacobine rue, ne zon là que semble zo war un dachenze. Dans mon temps, vraiment, war dachen leurs événadions. Hadkav zo bé triblasso, kayer ou, kanowenu, Brezonek, wabé d'astume de gant Constance Lemerer, plarze wa chomba la nuen, hag wa hana ven mod evit boutskriv trou ba croisa vretonet, hag ur gelaouen breiz. Met de denebe de waren ou yoazer tiem se drou, pudur pa de hantor kan la neus bezer da d'astume kanowenu, et hag skrivene war kayerou. Hag en hayerou zo ze behat kavet ban o zoyer ba la nuen, hag zo bet implijet gant Bernard Lasbleil a Daniel Giraudon, zo c'hwana o mat bavro, en eus labouret war an tenz orze, evit ober o lever zo neve imbandet gant un ti imband d'astum. Mat even, mat rezen peus beklevet Bernard Lasbleil, zo deut ban abad an tu deus evro deus kontant de se. O leverel zo bet skrive nevesso gant Rosen Huilin, Rosen Milin, diwar ben, identité les œuvres tondet. Vejenam zorve imbande de lever war an da chenze. Daskoer wa beskrivet gant Morvan le Besque, lever comment peut-on être breton? A Triblasso wa beskrivet de lever gant Jean-Michel le Boulanger, a wa haunved être breton. Hag vraiment bonne question d'identité gant Rosen Milin. Rosen Milin, zo han aven ma, de Breiz, pudur ebet ba pen tele Breiz, pe oa lance tele Breiz, neus ket pa de pel, jiwaz. Hag oa l'air, ur plarz e oa dipit da oa et vevan ba brochin. Met bon, oa l'air se, an eus labouret war ur aktres soro-soro, evit zer id tambo brujun ou deus pez chom deus yezou o vont de gol, Broyouzo, puis dur Broyouzo, zo liézo, an ink comes, me gant hanter kan de dut, pédis, hag zo in arvar braz, hag raktre soro soro, et jusmat, zer ipe so moyen, rog vef en et gol. Neveso, et et un anan, un Albert Poulain, Albert Poulain, zo un den an eus labour kals, vid zevena dur breizuel, en zwa deus pipriak, galaug vela pipiria, le gars de Piperia, Vigelard, hag neus labour kalz deus er i trou, o labour diven neus gred, benefin, kalz drou neus begred, hag Albert Poulain war an ave mat bavro, tribla peru genoa. Neveso, e bezine de pe chomman war de zevenadur, gant ofizen duriste les kreiz breiz, zo ba rostren, tosten ilizare, carte à yod en braison de deux doigts l'éna louarn, eux ont une carte de ce braison de bacus du laurent de vro, de zin en un emglevze gant un nitron le collinet, zo prison, présidente, tien duriste de Chris Bryce. Ag clasquera tien duriste Chris Bryce, la cat de Warwell, zévena du revro à Gueyes. Ben, million de gezo, remar aimant, un disquezade, gant, beta mit, hanter mis du, diwar ben trao kizele da bebeibla ve gretze ba melionog hag zo moyen den dut don te vele da neptor del venuzo blam war dro tre gonzo de meskleve da. Bazan Lorenz tal de vear vo kroue d'or mirdi war lien zo be d'or pinvidig ez ar vro gwechel hag ar mirdi ze mirdi pa la kre vo digoret ba mise even de zon. Gouderam ester d'or vue evit zal you cinéma war ar mez. Ba kalag a ba rostren, zo me meustra or zal cinéma, hag ba benar ne oa ketin boe oa echu en abaden gant ur circuit boucheron, re en dro, deus evro gant film, hag bremañ zo gret ur strolat han vet Sidkar, cinéma itinérant des Côtes d'Armor, avec gret vejen amzor di vejen emis, cinéma adar e ba zal ur gwellio ba benar. Ba zan e gouden ne vek gret cinéma, roaz, ma trezen vo gret ur vej peneket, met be psaiz de zemiz ve gret ur veillad, gant ur gevridigez, vous avez 17. Agar, bon, moyen zo de tout d'un du, de zone, de gando, de l'art de varzon de peneket, pe de chilo, hag trouve de zibi war a blasen, hag de lipad au banz au moyen d'or, hein. Hag ve plijadur, c'est du, et un drava d'un monde d'orveillade. Déjà, ce vecal, c'est dude, hein. War kres qui rend dude, hein. Mais plijadur ve jul, quish. Bon, c'est du même gré, un temps blas de spesso neve bavro, à l'art en dar, chiloer, yen RKB, tien orvegel, à dar, tien medel morgan. Merci, Eric. Kenavo, et à la semaine prochaine pour un nouveau Hent ar Brezhoneg.